Pandnamai, ou le livre des conseils de Ferid Dinatar. Chapitre 39. De cinq choses qui abrègent la durée de la vie. Cinq choses au contraire abrègent les jours des humains, ne les oublie pas lorsque tu les auras entendues. Être exposé à la misère et à l'indigence dans la vieillesse, passer sa vie dans une terre étrangère, gémir longtemps sous le poids des chagrins, fixer ses regards sur un mort, trembler dans la crainte de ses ennemis, toutes ces choses altèrent la vie de l'homme et abrègent ses jours. Celui qui craint la méchanceté de ses ennemis, change à chaque instant d'état de situation. Crains Dieu, et ne redoute point tes ennemis, Dieu saura bien te mettre à l'abri des funestes effets de leur haine. L'auteur de l'Ecclésiastique, Ben Sira, ordonne de ne pas prolonger le deuil pour les morts, parce que le chagrin amène la mort, et abat les forces de l'âme. Siracide 38-18. Verse des larmes amères, exhale des soupirs brûlants, et fais le deuil, selon qu'il en est digne, un jour ou deux, pour éviter les mauvais propos. Ensuite console-toi, pour éloigner la tristesse, car de la tristesse peut venir la mort, et le chagrin du cœur abat toute vigueur. Chapitre 40. De cinq défauts qui couvrent l'homme de déshonneur. Mon fils, éloigne-toi de cinq défauts, si tu ne veux pas perdre ton honneur. Évite d'abord de proférer le mensonge, car le mensonge ternirait l'éclat de ton honneur. Celui qui s'engage dans des disputes avec les grands, s'expose au danger inévitable de se couvrir de confusion. Si le même malheur arrive à quiconque ne remplit point envers les hommes les devoirs de l'honnêteté, il n'y a pas lieu d'en être surpris. Ô homme d'un bon naturel, ne te laisse point aller à la légèreté, car ce défaut t'exposerait à la perte de ta considération. Mon fils, évite les disputes avec les grands, ne sacrifie point ton honneur à ton imprudence. Veux-tu jouir constamment d'une bonne renommée, que tes mœurs et ta conduite soient toujours pures et réglées, celui dont la conduite est légère et inconsidérée, perd sans ressources l'estime publique. Ne profère jamais que des paroles conformes à la vérité, afin que ton honneur ne s'écoule pas comme les eaux d'un ruisseau. Évite toute dispute et toute perfidie, et ton visage brillera d'une gloire invariable. Si tu veux que les hommes ne te disent que des paroles agréables, garde-toi, mon frère, de dire des paroles dures à qui que ce soit. Veux-tu n'être point dévoré de chagrins en ce monde, ne porte point un œil envieux sur la fortune d'autrui. Le mot persan, que je traduis par honneur, considération, signifie à la lettre l'eau du visage. On dit de même l'eau d'un sabre, pour l'éclat et le brillant de sa lame, et nous disons nous-mêmes en ce sens, un diamant d'une belle eau. Les Arabes emploient le mot, dans le même sens, et de là vient qu'ils disent pour lustrer ou moirer une étoffe, et figurément pour déguiser quelque vice ou quelque défaut sous une apparence trompeuse de vertu ou de talent. En persan, par une suite du sens propre du mot, on dit répandre l'eau du visage, pour déshonorer. Chapitre 41. De cinq choses qui procurent une augmentation d'honneur. Cinq choses procurent un accroissement d'honneur. Écoute mes leçons, toi qui as reçu la prudence et le discernement. Si tu vagues par toi-même au devoir de ton état, tu augmenteras ta considération. La libéralité est une source d'honneur, l'insensé, par son avarice, attire sur lui la malédiction. Si tu possèdes des richesses, pratique la libéralité, c'est le moyen d'accroître l'estime dont tu jouis. Celui dont la conduite est marquée au coin de la générosité, ajoute sans cesse un nouveau lustre à sa gloire. Sois constamment patient, et fidèle à tes engagements, et 1000 rayons de gloire orneront ton visage. Si tu veux que ton secret demeure ignoré de tes ennemis, ne le découvre qu'avec beaucoup de réserve à tes amis. Veux-tu n'être point couvert de confusion devant les hommes, ne prends point ce que tu n'as pas placé toi-même. Mon frère, ne déchire point le rideau sous lequel les hommes se dérobent à la vue, afin que personne ne déchire celui qui te couvre. Ne règle point tes actions sur les désirs de ton cœur, de crainte que le poids du repentir ne les suive de près. Sache distinguer le mérite d'autrui, afin que le tien soit aussi reconnu. Tant que ta langue se laissera emporter par la colère, retiens ta main et ne lui permets point d'agir à son gré. L'homme qui, par sa conduite, ne se rend digne d'aucune estime, ne doit point être mis au nombre des vivants, il faut le compter parmi les morts. Comment la possession du monde entier pourrait-elle rendre riche et heureux celui qui ne sait point se contenter et mettre de bornes à ses désirs? Lorsque tu as triomphé de ton ennemi, accorde-lui le pardon de ses fautes, et efface-en le souvenir. Que la crainte de Dieu ne sorte jamais de ton cœur, mais aussi garde-toi de désespérer de sa clémence. Pratique l'humilité, et fais-toi une habitude de l'honnêteté, recherche la société des hommes sages et tempérants. Exerce-toi à la patience, et ne fais de mal à qui que ce soit, afin que ton nom jouisse en tout lieu d'une bonne réputation. Les sages sont dans ce monde comme la thériaque, et les insensés comme un poison mortel. La thériaque procure la guérison aux hommes, mais comment le poison pourrait-il donner la vie? La patience, la douceur et la science sont la thériaque de l'âme, la cupidité, la haine et la jalousie sont un poison qui donne la mort. Le comble de toutes les bonnes œuvres est de donner du pain à l'indigent, c'est ouvrir sa porte à des amis. Quoique tu sois savant et rempli de talent, mets-toi toujours au-dessous de l'ignorant. Si tu veux, dis Saadi, qu'un secret demeure ignoré, ne le dis à personne, pas même à un homme sur la discrétion duquel on puisse compter. Car tu ne dois pas espérer que personne mette plus d'intérêt que toi-même à garder ton secret. Puis il ajoute, il vaut mieux se taire, que de confier à quelqu'un les pensées secrètes de son cœur, et de lui dire, garde-toi bien de révéler cela. Homme sensé, arrête l'eau à sa source, quand elle aura formé un ruisseau, il sera impossible d'en arrêter le cours. Gulistan, livre 8. On lit dans le même sens, chez les écrivains juifs, quand même tu aurais une multitude d'amis sincères, ne découvre ton secret qu'à un seul d'entre 1000. Florilège hébraïque page 316. Saadi dit de même dans le Gulistan, quand tu as obtenu l'avantage sur un ennemi, garde-toi de le molester. Sa défaite est pour lui une angoisse suffisante. Ne vaut-il pas mieux pour toi voir ton ennemi vivant tourné et perdu autour de toi, que de porter sur ton cou le poids de son sang? Chapitre 42. Avis divers. Deux caractères font reconnaître l'insensé, la société avec les jeunes gens, et le penchant pour les femmes. Mon fils, les afflictions que les hommes éprouvent en cette vie, n'ont leur source que dans leurs mauvaises inclinations. Regarde comme mort celui qui est dominé par un méchant caractère, un tel homme n'est point vivant. Celui qui te reproche en face tes défauts, te montre le chemin pour passer des ténèbres à la lumière. Il faut témoigner ta reconnaissance à quiconque t'indique la route que tu dois tenir. Aux yeux de tous les hommes sages de ce monde, un bon naturel est un vêtement précieux, la pudeur vaut encore mieux. Il est deux personnes à qui tu dois te faire connaître sans réserve, un médecin habile et un ami sincère. Mot à mot, l'ami de la caverne, ce surnom désigne proprement Abou Bekr, qui se cacha avec Mahomet dans une caverne, pour se dérober aux poursuites des habitants de la Mecque, comme on l'a vu ci-devant au chapitre 2. Ici cela veut dire un ami fidèle semble à Abou Bekr. Cette explication est confirmée par la glosse turque du manuscrit 329. Évite, autant qu'il te sera possible, la société des femmes, garde-toi surtout de leur révéler tes secrets. Si tu es sage et prudent, tu fuiras tout ce qui pourrait te porter aux actions proscrites par la loi. Tiens-toi bien loin de tout ce que l'être suprême t'a interdit, afin de mériter une bonne réputation. Puisque Dieu t'ouvre la porte de la subsistance, que ton cœur aussi soit ouvert, garde-toi de montrer un extérieur triste et repoussant. Un air affable et des discours agréables t'assureront la réputation d'une âme généreuse. Ne te laisse point abattre par la pensée de la mort, toi qui aimes les plaisirs, elle viendra au moment marqué, sans le devancer ni le laisser passer d'un instant. Que ton cœur soit toujours exempt de malice et de méchanceté, ne renferme point dans ton sein une haine secrète. Ne mets point ta confiance dans tes propres œuvres, que ton cœur ne s'appuie que sur la miséricorde de ton Créateur. Un bon caractère est le plus précieux de tous les biens, celui qui possède ce trésor, est aimé de tous les hommes. Mon fils, abaisse-toi toujours de plus en plus, la modestie est l'ornement des hommes distingués. Celui qui est enchaîné par ses passions, quoique d'une condition libre, est dans un véritable esclavage. Si tu ne vois jamais un homme vil et méprisable élevé en puissance, garde-toi bien de lui demander des grâces et de réclamer son assistance. Que ton pied n'approche jamais du seuil de sa porte, et si tu te trouves en sa présence, ne lui adresse pas même la parole pour lui demander de ses nouvelles. Autant que tu le pourras, ne te mêle point des affaires de l'insensé, donne-lui les ordres nécessaires, mais garde-toi de le flatter. Saadi a dit aussi dans le Gulistan, « Je n'aime point la société de ces amis qui déguisent mes défauts à mes yeux, sous de belles apparences. Donnez-moi plutôt un ennemi hardi, au regard impudent, pour qu'il me découvre ce qu'il y a de vicieux en moi. » Saadi, dans le Boustan, avertit aussi l'homme de bien qu'il ne doit pas s'enorgueillir de ses bonnes œuvres, puisqu'il en est redevable à la faveur divine. Je transcrirai ici ce passage. La porte de la vertu et de l'obéissance aux préceptes divins est ouverte, mais tous ne peuvent pas pratiquer les bonnes œuvres. C'est ainsi, par exemple, que lorsque le roi tient sa cour plénière, on ne peut pas entrer devant lui sans son ordre. La clé de la destinée n'est entre les mains d'aucun mortel, Dieu, et Dieu seul possède la puissance absolue. Ne crois donc pas, ô homme qui court dans le droit chemin, qu'il te soit dû quelque reconnaissance, c'est à Dieu seul qu'elle est due. La même puissance infinie qui a créé le venin mortel dans le serpent, a produit le miel par l'abeille qui nous le donne. S'il veut détruire ton royaume, il commencera par aliéner de toi le cœur de tes sujets, mais s'il te destine ses faveurs, il se servira de toi pour leur procurer des jours heureux et tranquilles. Ne t'élève point d'orgueil, parce que tu marches dans le sentier de la rectitude, si tu es levé, c'est qu'on t'a pris par la main. Suivant cette sentence arabe, C'est l'humilité qui fait la grandeur de l'homme. Les Arabes disent aussi en proverbe, l'humilité est le filet avec lequel on enchaîne la gloire. On lit dans l'Envarisoïli les vers suivants, si tu fais de la douceur et de l'humilité tes compagnes habituelles, tes rivaux même deviendront pour toi des amis fidèles. Ne t'attire l'inimitié de personne en ce monde, si tu veux que tes jours coulent heureusement au gré de tes amis. Et Saad dit, dans son Boustan, a dit, mets en œuvre la soumission, ô mon ami, avec un ennemi violent, car un corps mou, émousse le sabre tranchant. Ne vois-tu pas que le guerrier qui s'expose aux glaives et aux flèches, a soin de se couvrir le corps d'une cuirasse faite de 10 doubles d'une étoffe de soie. Le même Saadi, dans le Boustan, raconte l'apologue suivant, comme un exemple d'humilité. Peut-être as-tu vu quelquefois, dans les vergers au pied des collines, briller durant la nuit un petit ver avec tout l'éclat d'une lampe. Quelqu'un lui dit un jour, « Petit ver, flambeau de la nuit, pourquoi ne viens-tu pas aussi durant le jour ?» Écoutez la réponse lumineuse de cet insecte né de la terre, et qui participe de la nature du feu. Le jour comme la nuit, dit-il, je n'ai point d'autre demeure que ces champs, mais en présence du soleil, je ne saurais être aperçu. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.